a pour nous saluer, tout fanatique Tipio dans le monde, tout ça qui est toujours apprécié. On a fait pour nous satisfaire, ça fait 8 ans depuis que nous travaillons, que nous pêchons, nous fouillons, nous cherchons. Nouveauté que toujours apporter, pour musique haïtienne, nous avons sa capoutelle. Nouveauté que toujours apporter, pour musique antillaise, sa capable belle. Malgré les difficultés qui ont passé, en 76 ans, t'es commencé, et pas difficile, j'y suis depuis le passé, une nouvelle bataille va commencer. Laisse ça tout le monde espérer, patience pour moi faire concrétiser tout effort que nous t'ai développé, avec fierté n'a persévéré. Commencer, pas difficile, si depuis le passé, une nouvelle bataille va commencer. Laisse à tout le monde espérer, patience pour pouvoir concrétiser tout effort que nous avons développé, avec fierté, n'a persévéré. Tout en se